Oui, avec Yvette, l'amour c'est la fête. J'ai un faible pour ses couettes. Je l'aime trop, Yvette, je l'aime trop, Yvette. J'ai un faible pour ses couettes. Je l'aime trop, Yvette, je l'aime trop, Yvette. Et avec Simone, la vie est si bonne. Et toujours elle m'étonne. Je l'adore, Simone, je l'adore, Simone. Et toujours elle m'étonne. Je l'adore, Simone, je l'adore, Simone. Avec Raymonde, je ferai le tour du monde. Elle est tellement gironde. Elle m'affole Raymonde. Elle m'affole Raymonde. Elle est tellement gironde. Elle m'affole Raymonde. Elle m'affole Raymonde. Et avec Monique, mes nuits sont magiques. Je me demande quelle mouche me pique. Je suis accro de Monique. Accro de Monique, je me demande quelle mouche me pique. Je suis accro de Monique, je suis accro de Monique. Et avec Chantal, l'amour c'est de la balle. Elle a tout de la femme fatale. Elle me rend fou, Chantal. Elle me rend fou, Chantal. Elle a tout de la femme fatale. Elle me rend fou, Chantal. Elle me rend fou, Chantal. Et avec Brigitte, mon petit cœur s'agite. Je ne sais plus où j'habite. Je la kiffe, Brigitte. Je la kiffe, Brigitte. Je ne sais plus où j'habite. Je la kiffe, Brigitte. Je la kiffe, Brigitte. Dis-moi, Roger, pourquoi t'es fâché? Je n'ai pas voulu te froisser, Roger Mac.